Vous me demandez ce que je fais pendant les vacances. Je suis mal placé pour en parler parce que je ne prends jamais de vacances. Toute l'année, je circule, je viens pour mon travail. Pour moi, le voyage, c'est un état d'esprit. Parfois, quand on ferme la porte, on voyage et on a l'impression d'avoir découvert des choses, d'être parti de chez soi. Certaines personnes partent au bout du monde et ne sortent pas de chez elles, ne sortent pas de leur tête. Vous savez, l'évasion réside parfois dans une simple balade près de chez soi. Le voyage, c'est une rêverie, une philosophie, une curiosité. Or, le voyage est de nos jours un produit de consommation. On est fier d'annoncer qu'on a fait New York, qu'on a fait la Guadeloupe. Mais qu'a-t-on fait en réalité? Beaucoup de touristes courent de monument en monument, un guide touristique à la main, et vérifient ce qui est écrit dans le guide. Ils prennent des photos en rafale, ils reviennent chez eux, exposent leurs souvenirs et courent déjà vers une autre destination. Je considère que le tourisme est à l'opposé du voyage. Le sociologue Rodolphe Christin parle même d'anti-voyage. Les agences nous vendent une prestation. Ils nous vendent du soleil, de la neige, de l'aventure ou de l'exotisme. Ce sont des marchands de rêves. La prestation touristique a remplacé le voyage. Certaines destinations sont même devenues difficilement faisables en dehors des chemins balisés. L'industrie touristique a gommé l'exotisme avec ses transports organisés, ses clubs, ses hôtels aseptisés. Je pense qu'il faut voyager différemment et privilégier le cheminement à la destination. Partir moins souvent, plus longtemps, moins loin. Il faut laisser la place à l'imprévu et à la rencontre. Ce que j'aime dans les voyages, c'est la préparation, toutes les lectures qu'on fait pour connaître sa destination. J'écoute, par exemple, beaucoup de musique du pays. Je lis beaucoup de nouvelles, de poèmes. Je découvre des auteurs qui font la fierté du lieu où je vais. Il faut s'imprégner du lieu. C'est essentiel. Voyager, c'est obéir à une pulsion nomade. On part à l'aventure, à la découverte, vers la connaissance, en fait. Le nomadisme est le contraire du tourisme. On part sans plan préétabli. On peut décider à tout moment de reprendre un avion ou de s'arrêter quelques jours. C'est une conception proche de l'errance. Le but importe peu, c'est le chemin qui importe.